d'évangéliste, ba komi ba journaliste. D'évangéliste, ba komi ba journaliste, toke ba e. D'évangéliste, ba komi ba journaliste. D'évangéliste, ba komi ba journaliste. D'évangéliste, ba komi ba journaliste, toke ba e. Evangéliste, ba komi ba journaliste, toke ba e. Evangéliste, ba komi ba journaliste. Evangéliste, ba komi ba journaliste. Evangéliste, ba komi ba journaliste. Toke ba e. Evangéliste, ba komi ba journaliste. Evangéliste, ba komi ba journaliste. Evangéliste, ba komi ba journaliste.